La conversation scientifique par Étienne Klein. Nous sommes en public dans la grande salle du théâtre de l'Odéon. Pour le quatrième épisode de notre cycle intitulé « Comment avons-nous su ce que nous savons ?» Aujourd'hui, c'est l'atome que nous allons interroger. Nous questionnerons d'abord l'origine et les péripéties de l'idée d'atome. Ces péripéties, oui, c'est le mot, ces aventures et ces déboires qui furent nombreux, car les idées ont une vie qui est loin d'être idéale. Puis nous évoquerons la façon dont sont aujourd'hui comprises la genèse et l'histoire des atomes eux-mêmes, quand et comment a-t-on su que de tels objets existent vraiment? Sont-ils comme ils avaient été préalablement pensés? Comment se sont-ils formés et selon quel ordre au cours de l'histoire de l'univers? Notre conversation ouvrira des perspectives fascinantes. Elle modifiera notamment le regard que nous porterons sur le prochain verre d'eau que nous serons amenés à boire. En apparence, il ne s'agit que d'un liquide calme, inerte, homogène et continu, alors même qu'il est le siège de discrètes violences entre des petits corps que nos yeux ne peuvent pas détecter. À chaque gorgée que nous avalons, nous ingurgitons des milliards de myriades d'atomes d'hydrogène et d'oxygène qui sont tous de célestes lignées. Les atomes d'hydrogène se sont formés dans l'univers primordial, il y a plus de 13 milliards d'années, et ceux d'oxygène dans le cœur brûlant d'une étoile, il y a environ 5 milliards d'années, étoile qui les a ensuite dispersés dans le vide intergalactique. Nous découvrirons ainsi que la matière du présent provient de furieusement loin dans le passé de l'univers et qu'en conséquence, nos banales désaltérations sont en réalité des actes graves et profonds, des gestes quotidiens dont nous oublions qu'ils nous relient intimement à l'histoire de l'univers. Chaque fois, nos corps absorbent en définitive des bribes de l'aurore du monde mélangées à des cendres plus tardives du feu stellaire. Nous allons discuter de tout cela, ce qui constitue un vaste programme, peut-être le plus vaste de tous les programmes possibles, mais à France Culture, on ne s'interdit rien. Et nous allons le faire avec mes deux invités. À ma droite, Roland Lehoucq. Bonjour Roland Lehoucq. Bonjour. Vous êtes astrophysicien et vous êtes l'auteur avec le philosophe Vincent Bontemps d'un livre intitulé « Les idées noires de la physique ». Et à ma gauche, Jean-Marc Lévy-Leblond, physicien. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Nice. Et vous venez de publier, et cela tombe bien, un livre intitulé « L'atome expliqué à mes petits-enfants ». Alors j'ai joué à pile ou face dans ma tête, et l'absence de hasard a déterminé que c'était vous, Jean-Marc Lévy-Leblond, qui alliez répondre à la première question. Cette idée d'atome, on dit qu'elle vient des Grecs, du 5e siècle avant Jésus-Christ, on cite Démocrite, le Cyp, c'est quoi l'idée? C'est l'idée que... Il y a des atomes, des petits corps matériels qui sont insécables, sont séparés par du vide. Oui, alors c'est une idée qui n'est pas déraisonnable, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte, au niveau de l'intuition la plus courante, pas nécessaire d'être un grand philosophe, que nous vivons dans un monde où la plupart des objets sont des objets composés de différentes parties, et que l'on peut les casser en morceaux de plus en plus petits. Et donc la question se pose assez vite de savoir jusqu'où peut-on aller dans ces brisures successives. Prenez, je ne sais pas moi, un morceau de bois, vous pouvez casser en deux les petits morceaux. Il vient évidemment un moment... ou pour des raisons techniques, vos droits sont trop maladroits, vous pouvez inventer des instruments pour ce faire, mais la question qui se pose, c'est une question de principe. Est-ce que cette division peut continuer indéfiniment ou pas? Et ça, c'est une question philosophique, dans la mesure où, à l'époque en tout cas, elle ne peut pas être traitée de façon concrète par des moyens expérimentaux. Alors, deux écoles vont s'affronter, pour simplifier un peu les choses. Ceux qui vont penser que non, le monde est parfaitement continu et que tout morceau de matière peut être divisé à l'infini en morceaux de plus en plus petits, qu'il y aurait donc une sorte de continuité essentiel de la matière, et d'autres, les atomistes justement, qui vont penser que cette division doit nécessairement s'arrêter à un certain stade sur des corps qui seront insécables, ce qui est exactement le sens du mot grec, a tome veut dire, au sens propre, insécable. Un des arguments qui me paraissent les plus intéressants en faveur de l'insécabilité et donc de l'existence des atomes est le suivant, c'est que si vous imaginez que la matière est parfaitement continue, vous vous rendez compte que vous pouvez en enlever de n'importe quel objet des parties aussi infimes qu'elles soient. Et que donc, n'importe quel effort, aussi petit soit-il, un simple courant d'air par exemple, devrait user en quelque sorte la matière. Alors que si elle est discontinue, constituée d'atomes, il y a une sorte de coupure qui fait qu'il faut une certaine énergie pour la disséquer et que sinon vous n'y arriverez pas. Et donc c'est un des arguments forts qui est développé, philosophique, qui est développé par les atomistes, c'est de dire la permanence du monde, la permanence de l'univers nous porte à croire qu'il est constitué d'objets ultimement insécable, sinon il s'userait petit à petit, et compte tenu qu'il est déjà très vieux, c'était le cas dans la pensée grecque, qu'il est déjà très vieux, eh bien il serait tout entier réduit à l'état de poussières impalpables, au lieu d'être constitué d'objets solides comme ceux que nous voyons. Alors cet atomisme des Grecs que vous évoquez, Jean-Marc Lévy-Leblon, il suppose, en tout cas dans leur esprit, l'existence du vide. Par exemple, Épicure écrit « Le vide n'existe pas moins que les corps » et il ajoute « Si ce que nous appelons vide n'existait pas, les corps ne sauraient où se tenir ni où se mouvoir alors qu'ils le font de manière évidente ». Et est-ce que c'est pas cette idée du vide qui va provoquer des résistances contre l'atomisme, oui, bien notamment évidemment. De la part d'Aristote et des évidemment. Autres Évidemment, parce qu'il est difficile de penser un vide absolu et que dans la pensée aristotélicienne en particulier, qui est une pensée du continu, la matière s'étend de façon continue et entre deux formes de matière, et bien, il y en a d'autres, impalpables peut-être, ce qu'on appellera plus tard des gaz, mais il n'y a pas d'espace proprement vide, qui est quelque chose qui est effectivement difficile à penser. Difficile à penser pourquoi, y compris au sens moderne, c'est parce que s'il n'y a rien entre deux objets, comment peuvent-ils interagir l'un avec l'autre? Donc il y a une sorte de continuité de la matière, absence de vide, et c'est cet argument qui va faire que l'atomisme grec va toujours existé dans l'histoire des idées, mais de façon plus souterraine que la doctrine d'Aristote qui envisage une matière constituée de quatre éléments. Oui, alors il y a d'autres arguments qui vont intervenir, en particulier dans la période médiévale. C'est que la constitution atomique de la matière pose de très sérieux problèmes théologiques. Parce qu'en effet, si la matière est faite d'atomes qui sont insécables, immuables, qui ont toujours la même essence, cela met en question un des dogmes fondamentaux du catholicisme, qui est la possibilité de changer le vin en sang du Christ et le pain en chair du Christ. L'Eucharistie. Et donc, ceci explique qu'au cours du Moyen-Âge, les partisans de la théorie atomiste vont être réduits au silence, jusque d'ailleurs à la fin de la Renaissance. Il semble par exemple que les démêlés que Galilée a eus avec l'Église ne sont pas dus uniquement à sa position copernicienne, héliocentrique, mais que son atomisme sous-jacent, qui commençait à être partagé à l'époque, lui a posé des problèmes. Donc on a voulu lui éviter une peine plus grave, sans doute, en laissant de côté l'atomisme qu'il revendiquait. C'est une thèse possible, elle n'est pas universellement acceptée, mais c'est une thèse possible. Alors on est obligé d'aller assez vite, parce que l'histoire en fait est très longue, elle dure 2500 ans. Il y a eu pendant longtemps ceux qui étaient partisans de l'atome, ceux qui étaient au contraire opposés à cette idée. Et quel est l'événement qui a fait que les physiciens ou les chimistes ont accepté un jour de dire oui, l'atome existe? Alors l'histoire se déroule sur, disons, 2-3 siècles à partir de la naissance de la science au sens moderne du terme, au XVIIe, avec Galilée d'abord, puis Newton ensuite. Alors chez Newton, ce qui va jouer un rôle dans la promotion de l'idée atomique, c'est la mécanique que Newton va mettre au point, qui permet d'expliquer de façon cohérente et assez exhaustive les mouvements des objets à travers l'espace. c'est beaucoup plus facile de décrire ce que fait Newton, la trajectoire d'un petit caillou, voire d'une planète dans le ciel, que de décrire le comportement d'une matière continue. Il faudra attendre le 19e siècle pour avoir une théorie de la dynamique des fluides ou même des solides. Et donc cette emprise du discontinu, des petits objets suivant des trajectoires sur les représentations physiques, va jouer un rôle dans, je dirais, la promotion de l'idée d'atome. C'est plus facile de penser le monde avec des formalismes mathématiques développés si on imagine qu'il est effectivement fait de petites entités discrètes. Le deuxième argument qui va être essentiel, c'est le développement de la chimie à partir de la fin du 18e, début du 19e siècle, où l'étude de la constitution des corps, un tant soit peu compliquée, va amener les chimistes de cette époque, des gens comme Dalton ou Prout en Angleterre, à créer l'idée de corps simple, non décomposable, et on rejoint là l'idée antique de l'atome, ces corps simples non décomposables pouvant se combiner entre eux pour donner des corps plus compliqués. C'est aujourd'hui la combinaison d'atomes qui donne des molécules, pour employer le vocabulaire moderne. Et l'étude, effectivement, de la composition des corps va révéler qu'il suffit d'en connaître, disons, une petite centaine pour expliquer l'existence de millions, centaines de millions des substances qui nous entourent, qui sont d'une diversité absolument incroyable, allant depuis l'eau, la chlorophylle, les métaux, etc. Et donc cette réduction de l'immense variété du monde visible et perceptible à un petit nombre, moins d'une centaine, je le redis, moins d'une centaine d'éléments, va évidemment donner une force considérable à l'idée d'atome. Alors à cette époque-là, les éléments dont on parle, les atomes, ont à peu près, c'est du moins ce qu'on imagine, les propriétés que leur attribuaient les premiers atomistes. Et nous allons écouter d'ailleurs la description qu'ils en font en écoutant Léon Bonafé lire quelques pages du livre de Lucrèce, de la nature des choses ou des choses de la nature, je crois que c'est à peu près équivalent. Les corps sont ou bien les éléments premiers des choses, ou bien ce qui existe par la réunion de ces principes. Mais pour ce qui est des éléments premiers, aucune force ne peut les détruire, car ils l'emportent finalement par la solidité de leur corps. Pourtant, il semble difficile de croire qu'on puisse trouver dans les choses un corps absolument plein. La foudre du ciel, en effet, traverse les murs des maisons, comme les cris et les sons. Le fer blanchit dans le feu, et les pierres éclatent sous la brûlure sauvage de la flamme. Tant il est vrai que dans les choses, rien ne semble absolument plein. Mais puisque pourtant la vraie doctrine et la nature des choses nous y contraignent, prête-nous attention le temps de quelques vers. Que nous expliquions qu'il existe des choses formées d'un corps plein et éternel. Nous enseignons que ce sont les semences et corps premiers des choses d'où vient que toute la somme des choses est maintenant créée. En effet, dans toute l'étendue libre de l'espace, que nous appelons le vide, il n'y a pas de corps. En plus, partout d'où se tient un corps, en aucune manière, il n'y a d'espace libre, de vide. En conséquence, les corps premiers sont compacts et sans vide. En outre, puisqu'il y a du vide dans les choses créées, nécessairement tout autour existe une matière solide. Et aucune chose ne peut être montrée par sain raisonnement, cacher du vide et le contenir dans son corps si tu abandonnes l'idée qu'il existe du solide qui le maintient. Donc la matière, qui est formée d'éléments solides, peut être éternelle quand tout le reste se dissout. En outre, alors, s'il ne s'étendait aucun espace vide, tout serait solide. Au contraire, s'il n'existait pas de corps bien déterminé pour remplir l'espace qu'ils occupent, tout ce qui est serait un espace libre et vide. Donc, c'est évident, la matière et le vide, tour à tour, se démarquent, puisque le plein total n'existe pas, non plus que le vide. Donc, il existe des corps déterminés qui sont en mesure de mettre de la distinction entre l'espace vide et le plein. Et ces corps ne peuvent être désagrégés par des chocs venus du dehors, ni être pénétrés profondément et décomposés, ni ruinés par aucune autre atteinte. En effet, sans le vide, il apparaît que rien ne peut être mis en pièces, ni fracassé, ni fendu et coupé en deux, ni prendre l'eau non plus que le froid pénétrant ou le feu insinuant, par quoi toutes choses sont détruites. Et plus un objet contient en lui de vide à l'intérieur, plus il est touché et ébranlé par ces choses. Donc si les corps premiers sont compacts et sans vide, comme je l'ai montré, ils sont aussi nécessairement éternels. Lucrèce, qui donc décrit les atomes à partir d'un raisonnement qui vient d'être dévoilé, comme des objets indestructibles, éternels, pleins, c'est-à-dire sans vide à l'intérieur, et il les imagine s'agitant sans cesse dans le vide. Vous avez un commentaire, Jean-Marc Lévy-Leblanc ? Oui, sur Lucrèce, parce que c'est un texte qui vaut vraiment la peine d'être lu. C'est un texte absolument magnifique. D'abord, c'est un poème, un grand poème. Et c'est tout à fait sidérant de voir la profondeur et la justesse des intuitions de Lucrèce, en même temps que le caractère... disons peu convaincant de ses raisonnements, c'est-à-dire que Lucrèce, à la lumière de la science moderne, a souvent raison, mais pour des mauvaises raisons. De même que là, quand Lucrèce dit « c'est évident », son raisonnement n'a rien d'évident, la preuve en étant d'ailleurs que à l'âge classique, rien moins qu'un Descartes, par exemple, ne sera pas un atomiste. Pour Descartes, le monde est un monde plein. Il n'y a pas de vide. Donc, le texte de Lucrèce reste aujourd'hui un texte de référence formidable pour toute réflexion, un temps soit un peu profonde. Il y a une remarque sur laquelle on peut rebondir, qui est plus moderne, c'est le physicien américain Richard Feynman, prix Nobel de physique, un grand physicien du XXe siècle, à qui on demandait si vous deviez, en une seule phrase, donner de l'information à une humanité future qui devrait se remettre à un cataclysme pour qu'elle ait cette information et qu'elle puisse en profiter et éventuellement renaître plus rapidement, se reconstituer plus rapidement, que diriez-vous ? Et Feynman a dit, la matière est constituée de petites choses qui bougent incessamment, qui s'attirent quand elles sont loin et se repoussent quand elles sont proches. Donc quelque chose qui évoque un peu les mots qu'on entend dans Lucrèce. Donc le mot d'atome, mais le problème c'est que l'atome de Lucrèce n'existe pas. C'est-à-dire que l'atome qu'on a découvert en physique est un atome qui n'a aucune des propriétés que Lucrèce imagine. Ça ne veut pas dire que les philosophes que nous avons cités n'étaient pas des génies, mais ça veut dire que l'objet qu'ils ont pensé est un objet qui n'existe pas. Et l'objet qui existe n'est pas celui qu'ils avaient pensé. Alors ça veut dire peut-être que les choses qui n'existent pas pour rien, au sens où elles lancent des débats qui finissent par permettre qu'on découvre des choses qui ne ressemblent pas à ce qu'on avait imaginé, mais qui sont justement un progrès dans la connaissance. Oui, enfin, ceci dit, elles y ressemblent. C'est-à-dire que, à une certaine échelle et dans certaines conditions, nos atomes modernes ressemblent aux atomes de Lucrèce. Si on ne tape pas trop fort dessus, s'il ne fait pas trop chaud, etc., on peut, et c'est ce que font les chimistes, d'ailleurs. C'est des conditions très particulières. Oui, mais enfin, qui sont les conditions de la plupart de la vie ordinaire, c'est les conditions de la chimie. On peut les considérer comme relativement stables. Alors, le paradoxe est effectivement, et là-dessus, Étienne Klein a tout à fait raison, que l'atome, au sens moderne du terme, n'a aucune de ces propriétés-là. Il n'est pas insécable, il n'est pas absolument dur, et ce qui est assez amusant, c'est que... c'est que le moment où les physiciens se persuadent véritablement de son existence, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, et où il y a une convergence dans l'estimation de la taille, de la masse, des propriétés physiques des atomes, et justement, à quelques années près, le moment même où on découvre qu'ils ne méritent pas leur nom. C'est-à-dire, sitôt découvert, l'atome cesse d'être atomique. Et ça, c'est quand même tout à fait surprenant, puisque le début du XXe siècle va voir la découverte que l'atome, en fait, est une structure fort complexe, dotée d'un noyau, mais là, c'est Roland qui en parlera mieux que moi, et entourée d'un nuage très ténu d'électrons. Il ne correspond donc effectivement pas à l'idée que s'en faisaient les atomistes grecs. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors maintenant, si on s'intéresse non plus à l'histoire de l'idée d'atome, mais à l'histoire de l'atome lui-même, dans son évolution au cours de l'univers, quand est-ce que se forment, Roland Louk, je me tourne vers vous, les premiers atomes? Si on prend l'histoire de l'univers et qu'on la déroule dans le sens chronologique, ils se forment dans un passé très lointain. Il y a environ 13,8 milliards d'années, dans le passé, les atomes d'hydrogène et d'hélium, singulièrement, d'hélium 4, qui est un atome dont le noyau est formé de deux protons et deux neutrons, là où l'atome d'hydrogène a un noyau qui est un unique proton. Donc on voit déjà qu'il y a une sous-structure dans l'atome qui était le noyau et les nuages électroniques, et maintenant il y a une sous-structure dans le noyau lui-même, formée d'autres particules qui sont les neutrons et les protons, qu'on appelle nucléons. Et donc c'est là que se forment les premiers noyaux d'atomes. Après, si on veut parler de l'atome, il faut que ces noyaux capturent des électrons, s'arrangent avec un électron, de sorte à former l'atome complet, le noyau et l'électron ou le nuage électronique. Et donc cette formation-là, on la date d'il y a aussi 13,8 milliards d'années, mais 13,8 milliards d'années est 380 000 ans, si je veux dire, il y a une période. Vous voyez, c'est pour ça que c'est compliqué. J'ai dit dans l'ordre chronologique, mais en fait, la meilleure façon d'en parler, c'est dans l'ordre, disons, antichronologique, de dire maintenant, c'est zéro, c'est aujourd'hui. Eh bien, on peut dire que il y a 13,8 milliards d'années, et pendant environ 380 000 ans, il y avait des noyaux d'atomes, mais pas d'atomes, parce que, à cette époque-là, les températures étaient suffisamment élevées pour que les électrons soient, écartelé de l'atome, soit arraché de l'atome. Par la lumière. Par la lumière, et même pas seulement par les collisions. Par ça veut dire quoi? Ça veut dire que les photons, enfin, les grains de lumière ont suffisamment d'énergie pour arracher les électrons. Arracher les électrons et empêcher atomes, la formation d'atomes neutres. D'atomes neutres au sens l'atome constitué, l'atome, son noyau et les donc électrons. Donc il y a des noyaux légers, des électrons et des températures énormes. Et des températures énormes, alors qu'ils ne sont pas si énormes, parce que pour ioniser, comme on dit, arracher les électrons d'un atome d'hydrogène ou d'hélium, il faut que la température dépasse quelque chose comme 3000 Kelvin. À peu près autant de degrés Celsius, à 273 près. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même une température qui n'est pas du tout celle que l'on constate, température moyenne, qui n'est pas du tout celle que l'on constate actuellement dans l'univers, où elle est plutôt de l'ordre de 3 Kelvin, moins 270 degrés Celsius. À cette époque-là, les atomes, en tant qu'atomes, le noyau et les électrons alliés ensemble n'existent pas, la température est trop élevée, et puis, l'expansion de l'univers aidant, le refroidissement et la dilution consécutive ou résultante plutôt de l'expansion aidant, peuvent se former, sans être détruits par les collisions ou par la lumière, les premiers atomes neutres d'hydrogène et d'hélium neutre. Ça veut dire que pendant les 380 000 premières années après le Big Bang, l'univers ne contient pas de lumière capable de se propager? Cela veut dire que la lumière qu'il contient se propage, mais interagit très facilement avec les électrons qui sont arrachés des atomes. Autrement dit, il n'y a pas d'atomes, il y a les noyaux et les électrons, une sorte de, on appelle de plasma, de gaz, dont les particules sont chargées positivement pour les noyaux, avec une charge électrique positive pour les noyaux, une charge électrique négative pour les électrons. Un plasma qui est globalement neutre, il y a autant de charges positives que de charges négatives, mais que la lumière, en se propageant dans ce plasma, interagit très facilement avec les électrons libres, elle diffuse très facilement sur les électrons libres, elle se déplace tout à fait naturellement à la vitesse habituelle de 300 000 km par seconde, mais elle va en ligne droite pendant une fraction de millimètre, une fraction de centimètre, puis elle est déviée dans une autre direction à chaque fois qu'elle rencontre un électron, ce qui fait qu'elle a une marche au hasard dans ce milieu et qui rend ce milieu, comme on dit, opaque à la lumière. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce milieu et que vous essayez de percevoir un point qui est lointain, ce point qui est lointain, la lumière, loin de vous parvenir en ligne droite, vous parviendra éventuellement, après une démarche erratique, dans une direction qui n'a rien à voir avec la direction du point d'origine, et donc il ne vous permettra pas d'attribuer cette lumière qui vous arrive à la direction vers laquelle vous regardez. Ça signifie, Roland Louk, qu'avec vos télescopes, vous ne recueillez aucune lumière qui a été émise pendant cette période. Exactement. C'est-à-dire que l'univers, à ces époques très anciennes, était opaque à la lumière. La première lumière que l'on reçoit, c'est celle qui a été autorisée à se propager au moment où les électrons se sont combinés avec les noyaux d'atomes pour former les premiers atomes neutres. Au moment où l'univers était suffisamment peu dense et froid et refroidi pour que cette combinaison, cette recombinaison électrons et noyaux se fasse. Et à ce moment-là, la lumière qui interagit aussi avec la matière, interagit aussi avec les atomes neutres, mais interagit de façon beaucoup moins efficace avec un atome neutre qu'avec un électron libre, se retrouve être diffusée, mais infiniment moins, avec pour conséquence que vous voyez la lumière se propage en ligne droite et que, imaginez-vous, dans un brouillard, on pourrait faire cette expérience de pensée. C'est un peu ça, si un observateur était là dans ce milieu primordial à l'époque, que verrait-il? Eh bien, pas grand-chose. Il verrait comme dans un brouillard jusqu'à l'endroit où la lumière peut la lumière la plus proche lui parvient. Ça veut dire à 10 mètres, par exemple, dans votre brouillard. Au-delà de 10 mètres, vous ne voyez rien. Cela veut dire que la lumière interagit avec les petites gouttelettes en suspension tous les 10 mètres. Tous les 10 mètres, elle prend une gouttelette, elle change de direction, elle prend une gouttelette, elle change une direction. Donc vous perdez la directionnalité des sources lointaines. Et puis, d'un coup, le brouillard se lève. Est-ce que vous voyez immédiatement jusqu'à l'horizon? Non. Le brouillard se lève d'un coup pour des raisons, disons, de thermodynamique. Le soleil est chaud, chauffe, hop, ça s'évapore, il n'y a plus de brouillard. Vous ne voyez pas instantanément jusqu'à l'horizon, tout simplement parce que la lumière se propage désormais en ligne droite, mais à vitesse finie, ce qui fait qu'au bout d'une seconde, vous voyez à une seconde lumière, qui est quand même déjà 300 000 km, hein, donc l'horizon, vous le voyez rapidement, deux secondes lumière, etc. Et donc dans ce plasma primordial, il faut imaginer que quand il s'est levé, d'un coup, en pratique, ça a pris, la durée n'était pas strictement nulle de lever de ce brouillard cosmique. Quand ce brouillard se lève, si vous étiez un observateur dans ce milieu, vous auriez été d'abord environné d'une incandescence généralisée à la température du milieu, puis le brouillard se lève, les électrons se combinent au noyau d'atomes pour former les atomes neutres, et vous commencez à voir arriver de la lumière, de une seconde lumière au bout d'une seconde, de deux secondes lumière au bout de deux secondes, etc. Et donc vous avez l'impression d'être entouré toujours par une sphère incandescente, mais une sphère incandescente qui recule par rapport à vous, alors qu'avant la sphère incandescente était partout autour de vous, immanente, elle était là tout le temps. Cette sphère incandescente recule de une seconde lumière chaque seconde, et au bout de 13,8 milliards d'années, elle n'a pas reculé de 13,8 milliards d'années-lumière, parce qu'entre-temps l'univers s'est dilaté, elle a reculé de 42 milliards d'années-lumière. Bon, ça va un peu vite, là. On vient de raconter 380 000 ans en 3 minutes. Mon espoir, c'est de mettre en lévitation dans la salle, pour vaincre la gravité. On va faire une petite pause, là, pour digérer l'information et demander à Jean-Marc Lévy-Leblond que répond-il à ses petits-enfants lorsqu'il lui demande un atome, c'est gros comment ? C'est une question à laquelle les anciens ne pouvaient pas répondre, faute d'instruments de mesure et d'expérimentation adéquats. Et c'est effectivement les grands progrès du 19e siècle qui ont permis d'accéder à la taille réelle des atomes. Alors les mesures ont pris plusieurs décennies. Elles ont été remarquablement synthétisées par Jean Perrin au début du XXe siècle dans un merveilleux livre qui s'appelle Les atomes et qui est un peu la pierre de voûte de l'édifice atomique. Mais ce qui est assez intéressant à remarquer, c'est que si l'on avait été conscient de l'existence des atomes, on aurait pu connaître leur taille bien avant. Suite à une expérience qui a été faite par Benjamin Franklin au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, donc, Franklin s'intéressait à un problème qui a l'air sans aucun rapport avec tout ce que nous venons de dire. Vous savez qu'il y a une sorte de folklore maritime qui est que si la mer est très démontée, on peut la calmer en la recouvrant d'huile. C'est pour ça qu'on parle d'une mer d'huile quand elle est très calme. Et les marins pensaient effectivement que c'était un bon moyen de calmer les vagues quand elles étaient trop puissantes. Mais c'était plutôt une opinion qui courait que quelque chose d'avéré. Franklin a voulu faire une expérience précise. Il est allé au bord d'un petit étang, dans sa propriété américaine, et il a versé à la face de l'étang. C'était un temps très très calme, il n'y avait pas de vent, mais un peu quand même, donc des petites rides, pas des grosses vagues, des petites rides à la face de l'étang. Il a versé une cuillerée d'huile, 5 centilitres. Et qu'est-ce qu'il a vu? Que ces 5 centilitres d'huile, au début une toute petite tache, s'étendaient à la surface de son étang jusqu'à couvrir une surface d'un demi-acre, c'est-à-dire environ 2000 mètres carrés, et que ça s'arrêtait. Donc on avait une grande tache d'huile, mais ça c'est une expérience que vous faites journellement dans votre cuisine, si vous laissez une goutte d'huile tomber à la surface de l'eau, ou un bouillon, quand vous avez un bouillon gras, il y a les yeux du bouillon qui représentent des gouttes d'huile étendues, et vous avez tous remarqué que leur taille est limitée. Une fois qu'il a acquis une certaine taille, le disque d'huile ne continue plus à s'étendre. Franklin s'est demandé pourquoi il en était ainsi. Il n'a pas répondu à la question. Lui, ce qui l'intéressait, c'était plutôt de se rendre compte si ça calmait les ondulations de l'étang. La réponse est, si vous avez des toutes petites vaguelettes, ça marche bien, mais si vous faites ça en cas de tempête dans la mer, c'est pas la peine d'essayer. Ce qui est intéressant, c'est que si on reprend les chiffres mêmes de Franklin, et qu'on se pose la question moderne, mais pourquoi l'huile ne continue pas à s'étendre indéfiniment à la surface de l'eau ? Bien, la réponse, c'est qu'elle est constituée, sinon d'atomes, du moins de molécules. Et au fur et à mesure qu'elle s'étend, bien évidemment, l'épaisseur de la couche diminue. Vous avez un volume constant. Si l'air croît, l'épaisseur décroît. Et l'épaisseur d'une couche d'huile ne peut pas être plus petite que la taille d'une molécule. Donc quand l'épaisseur de la couche est devenue monomoléculaire, eh bien, votre disque d'huile s'arrête. Et si l'on prend les chiffres de Benjamin Franklin, qu'on fasse ce tout petit raisonnement qui est à la portée d'enfant du collège, vous connaissez au départ le volume de la cuillerée d'huile, 5 millilitres. Ce volume ne change pas quand l'huile s'est étalée à la surface de l'étang. Ce volume calculé à la surface de l'étang, c'est l'air recouverte multiplié par l'épaisseur. L'air recouverte, je viens de vous la donner, par division, vous avez immédiatement la taille. Et vous trouvez comme ça, par un calcul qui est un calcul d'ordre de grandeur, il ne faut pas lui demander trop de précision, que la taille des molécules est de l'ordre du milliardième de mètre, ce qu'on appelle aujourd'hui le nanomètre. C'est vous montrer, j'insiste sur ce point parce qu'il est intéressant, que des observations parfaitement macroscopiques, une cuillerée d'huile, un étang recouvert sur plusieurs milliers de mètres carrés, peut vous donner accès à des dimensions microscopiques. Et c'est comme ça, évidemment, que d'autres mesures plus sophistiquées de la taille des atomes ont été menées en observant certains phénomènes macroscopiques dont on peut tirer des informations sur ce qui se passe à toute petite échelle. Le résultat, donc, c'est que l'ordre de grandeur de la taille des atomes et des petites molécules, c'est le nanomètre. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, évidemment, des nanosciences. Ce sont celles qui opèrent à l'échelle atomique et moléculaire. Là, on parle du noyau, enfin de l'atome, avec son noyau et le cortège d'électrons autour. C'est ça qui fait à peu près un dixième de nanomètre pour un atome simple. Si on regarde le noyau, Roland Louk, c'est quelle taille ? Petit. Le noyau est beaucoup plus petit. Le noyau, l'ordre de grandeur de taille, c'est le Fermi, c'est 10 puissance moins 15 mètres, c'est un millionième de nanomètre. Donc la taille d'un nucléon est beaucoup plus petite que la taille de l'atome complet. Si on prend l'atome d'hydrogène, le proton fait 10 puissance moins 15 mètres de taille, là où l'atome d'hydrogène fait 0,5 angström, ça veut dire 0,05 nanomètre. Donc on a un facteur considérable de taille, quasiment 100 000, entre la taille de l'atome lui-même, le noyau et l'électron, et la taille du noyau lui-même, qui est beaucoup plus petite. Et donc c'est cette énorme différence de taille qui est, je vais dire, comblée par un vide, qui est remplie de vide et qui fait dire que la matière ordinaire constituée d'atomes est en fait remplie de vide, puisque la masse de l'atome, c'est essentiellement la masse de son noyau, et le volume de l'atome, c'est essentiellement celui qui est occupé par le nuage électronique et donc est beaucoup plus volumineux que la taille du noyau qui fait la masse de l'atome, l'électron étant beaucoup, beaucoup moins massif. Je vous propose que maintenant nous nous détendions parce que nous avons entendu beaucoup de chiffres. Et nous allons écouter Léon Bonnafé lire un extrait des Contemplations de Victor Hugo qui s'appelle « Au gouffre, l'âme plonge et rapporte le doute ». Au gouffre, l'âme plonge et rapporte le doute. Nous entendons sur nous les heures, goutte à goutte, tomber comme l'eau sur les plombs. L'homme est brumeux, le monde est noir, le ciel est sombre, les formes de la nuit vont et viennent dans l'ombre, Et nous, pâles, nous contemplons. Nous contemplons l'obscur, l'inconnu, l'invisible. Nous sondons le réel, l'idéal, le possible, l'être, spectre toujours présent. Nous regardons trembler l'ombre indéterminée. Nous sommes accoudés sur notre destinée, l'œil fixe et l'esprit frémissant. Nous épillons des bruits dans ces vides funèbres. Nous écoutons le souffle errant dans les ténèbres dont frissonne l'obscurité. Et par moments, perdus dans les nuits insondables, nous voyons s'éclairer de lueurs formidables la vitre de l'éternité. Merci Léon Bonafé, magnifique poème de Victor Hugo. Qu'est-ce qui vous inspire? Je sais que vous êtes un grand admirateur de Victor Hugo, Jean-Marc Lévy-Leblond. J'aime beaucoup Victor Hugo parce que c'est l'un des rares grands hommes de culture du 19e siècle qui ne bascule pas ni dans une espèce de rejet de la science, qui est le cas de beaucoup de romantiques. Vous savez, vous rappelez chez Vigny la description des locomotives qui chassent les fées et les dryades des bois, donc l'horreur de la technique. Et d'un autre côté, au contraire, disons plutôt à la fin du siècle, ceux qui se rallient complètement au monde scientifique et technique, chez Zola par exemple. Et Hugo va tenir une sorte de ligne de crête pendant toute sa, enfin tout au moins la seconde partie de son œuvre, dans laquelle il ne va pas devenir ennemi de la science, mais il va continuer à lui poser des questions. Il ne sera jamais satisfait, il ne se résoudra pas à ce qu'elle apporte toutes les réponses à toutes les questions. Et il y a des textes de Hugo, en particulier un que je vous recommande vivement, qui s'appelle tout simplement « La science et l'art », qui est un texte magnifique qui devrait faire l'objet de leçons d'épistémologie au lycée de nos jours. C'est noté. Roland Lehoucq, je me tourne à nouveau vers vous pour que vous continuiez à nous raconter cette histoire. On en était à 400 000 ans, 380 000 ans après le Big Bang. Se forment les premiers atomes d'hydrogène, d'hélium. Or, la matière qui nous constitue, c'est aussi de l'oxygène, du carbone, exactement, etc. Exactement. Du fer, ça vient d'où? Alors, donc cette matière qui était là à l'époque, d'abord, elle était sous forme de gaz et pas rassemblée en étoiles, puis les étoiles en galaxies. Il a fallu attendre déjà quelques centaines de millions d'années pour que se forment les premières étoiles et les premières galaxies. Et quand on s'est interrogé, depuis longtemps, mais quand on a essayé de répondre à la question de l'origine de la chaleur solaire, comme on disait à l'époque, l'origine de la lumière des étoiles au 19e siècle, on a commencé par dire les étoiles brillent parce qu'elles sont chaudes. Ça, c'est tout à fait naturel, puisque les objets chauds brillent. Vous, qui êtes chaud, brillez, évidemment, dans une lumière complètement insensible à mes yeux, qui est la lumière infrarouge. Mais vous brillez. Donc les étoiles se forment, enfin on ne sait pas trop comment elles se forment encore, on imagine ça par un rassemblement de matière sous l'effet de la force de gravité, mais la question de savoir pourquoi elles brillent semble résolue en se disant elles brillent parce qu'elles sont chaudes. Alors oui, mais combien de temps vont-elles briller ainsi? Cette lumière qu'elles perdent, il faut bien qu'elles la prennent quelque part, et un physicien anglais, monsieur Kelvin, comprend, Lord Kelvin comprend qu'elles doivent le prendre de leur gravitation, de ce qu'on appelle l'énergie potentielle gravitationnelle. Et là, on arrive à la conclusion qu'une étoile brille parce qu'elle est chaude, qu'une étoile va briller environ 20 millions d'années, comme le Soleil, une étoile comme le Soleil, de la masse du Soleil et de la luminosité du Soleil peut briller environ 20 millions d'années en siphonnant son compte en banque d'énergie potentielle gravitationnelle au prix d'une contraction et d'un échauffement durant son rayonnement. 20 millions d'années, tout va bien, voilà, on a l'impression d'avoir compris les choses. Là où la question devient un peu plus subtile et elle a été titillée par les géologues qui faisaient remarquer aux astrophysiciens que 20 millions d'années pour la durée de vie d'une étoile, c'est assez long, mais l'âge de la Terre, mal estimé à l'époque, mais néanmoins estimé, essentiellement par les durées estimées pour empiler des couches sédimentaires énormes que l'on pouvait constater. On voit des falaises sédimentaires qui font des centaines de mètres de hauteur, et quand on pense que les sédiments s'accumulent au rythme d'un millimètre ou deux par siècle, ça fait du temps pour faire ces grandes falaises. On avait une estimation de l'âge de la Terre qui était au bas mot de plusieurs centaines de millions d'années. Estimation qui a été bien raffinée beaucoup plus tard, notamment dans les années 70, 1970, pour atteindre 4,56 milliards d'années. Toujours était-il que l'estimation de l'âge de la Terre était bien supérieure à la durée de vie estimée par les astrophysiciens du Soleil et des étoiles en général. Et donc là, la question qui devient difficile, c'est pourquoi les étoiles, non pas pourquoi les étoiles brillent, mais pourquoi brillent-elles si longtemps ? Il faut les faire briller des centaines de millions et peut-être des milliards d'années. La réponse à cette question a été apportée à peu près simultanément par Jean Perrin, encore lui, et par Arthur Eddington, un physicien anglais, qui se sont dit l'énergie qui permet, le compte en banque énergétique finalement, qui permet aux étoiles de briller durablement, mettons des milliards d'années, c'est un compte en banque nucléaire. L'énergie vient du noyau des atomes. Alors, à l'époque, on avait commencé à comprendre que les noyaux pouvaient se désintégrer, se transformer, la matière pouvait se transmuter spontanément et émettre des quantités considérables d'énergie. Ça, ce sont les travaux de Marie Curie et de tout un tas d'autres physiciens. C'est la radioactivité. Il y a aussi des réactions nucléaires. Et il y a aussi des réactions nucléaires qui ne sont pas de nature radioactive au sens de transformation d'un noyau en un autre noyau, mais qui est un noyau déjà existant. Mais cette fois-ci, c'est de... On l'a compris un peu après, et c'est... Jean Perrin avait commencé par dire, s'il y avait d'uranium dans le Soleil en telle et telle quantité, alors on pourrait comprendre l'ancienneté du Soleil. Sauf que ce n'est pas le radium dont la désintégration nourrirait la luminosité du Soleil ou la durabilité du Soleil, ce sont des réactions de fusion thermonucléaire qui sont l'assemblage de deux noyaux légers de l'hydrogène pour former un noyau plus lourd. De l'hydrogène avec de l'hydrogène formera du deutérium. Et du deutérium avec de l'hydrogène formera de l'hélium-3. Et de l'hélium-3 avec de l'hélium-3 formera de l'hélium-4 et des protons, des noyaux d'hydrogène. Donc il y a des réactions entre noyaux légers, dont on sait qu'ils préexistaient déjà. À l'époque, on ne le savait pas, mais c'est maintenant la reconstruction que l'on fait maintenant. Les noyaux légers se transforment en noyaux plus lourds au cœur des étoiles, font des réactions de fusion thermonucléaire. Ça, le processus a été notamment élaboré par un physicien allemand qui a travaillé aux États-Unis ensuite, qui est Hans Bethe, qui a montré que ce n'est non pas un processus de radioactivité, mais un processus de fusion thermonucléaire qui permettait aux étoiles de briller durablement. L'énergie dégagée par ces réactions de fusion permet aux étoiles de briller durablement. Mais la conséquence immédiate, c'est que vous transformez de l'hydrogène en hélium, et que si l'on pousse le raisonnement ensuite, on peut transformer de l'hélium, en gros, je vais vite, mais l'hélium c'est un noyau à 4 nucléons, 4 plus 4 plus 4 ça fait 12, et 12 c'est l'atome de carbone, c'est le noyau de l'atome de carbone qui a 12 nucléons, et 12 plus 4 ça fait 16, et ça s'appelle un noyau d'oxygène, et etc. Et au fil du XXe siècle, notamment dans les années 45 à disons 60, on a réalisé que la source énergétique, la source nucléaire d'énergie des étoiles qui leur permet de briller durablement, cette source-là, elle avait pour conséquence de transformer la matière au cœur des étoiles et de forger deux nouveaux atomes. Des atomes qui n'existaient pas avant que cette étoile ne brille, avant que cette étoile ne les transforme en son cœur. Donc si je comprends bien Roland Luc, les atomes les plus légers ont été formés dans les premières minutes qui ont suivi le Big Bang. Oui. Et les atomes qui constituent notre corps, ceux que vous avez cités, le carbone, l'oxygène, le soufre, ont été formés beaucoup plus longtemps après dans des étoiles. Tous ces atomes, tous nos atomes viennent des étoiles. Des étoiles. Alors, il y a même une subtilité dans la subtilité. La subtilité, c'est les atomes sont formés dans les étoiles. Mais toutes les étoiles n'évoluent pas de la même façon et toutes les étoiles ne forgent pas les mêmes atomes. Une étoile comme le Soleil, en ce moment, est en train de forger de l'hélium à partir d'hydrogène. Dans une étape ultérieure, d'ici, estime-t-on, 4 à 5 milliards d'années, le Soleil forgera à partir d'hélium, il forgera du carbone. Et puis le Soleil, dans maintenant peut-être 5 ou 6 milliards d'années, finira sa vie gentiment, essentiellement en éjectant ses couches externes, en passant par un stade qu'on appelle géante rouge, une étoile de très grande taille. Son rayon va être multiplié par un facteur, au bas mot, 100. Il sera 100 fois plus... Qu'est-ce que vous appelez gentiment ? Gentiment, c'est-à-dire que pour la Terre, il va faire chaud, voilà. Les prévisions climatiques terrestres dans 5 milliards d'années, c'est chaud, voilà, c'est très chaud. En toute saison, il n'y aura plus de saison, là, plus de saison du tout. Et donc, le Soleil va éjecter une partie de sa matière, et son cadavre sera une toute petite étoile qu'on appelle naine blanche, et qui aura retenu les noyaux formés par le Soleil. Essentiellement, ça sera donc du carbone et de l'oxygène qui sont les derniers noyaux forgés par le Soleil. Il ne sera pas capable d'aller plus loin que la transformation d'hélium en carbone et en oxygène. Les étoiles plus massives peuvent aller plus loin Et plus elles sont massives, plus elles peuvent aller loin. Et ultimement, au-delà de 8 masses solaires, estime-t-on, les étoiles peuvent aller jusqu'à forger du fer. Parmi ces étoiles-là, certaines vont exploser. J'en arrive à ce point-là, c'est parce qu'il n'est pas suffisant de forger les noyaux d'atomes dans les étoiles, encore faut-il les rendre pour qu'ils, entre guillemets, servent à quelque chose ensuite, au lieu de rester bêtement, entre guillemets encore une fois, dans le cadavre de l'étoile. Dans le cas du Soleil, les nouveaux noyaux vont rester dans le cadavre de notre étoile. Une étoile suffisamment massive, elle va exploser et elle va rendre au milieu interstellaire une partie des noyaux qui ont été forgés pendant son existence. Ce qui fait que qu'on appelle les supernovas. Ce sont ces phénomènes qu'on appelle supernovas. Supernovas. Et là où ça devient donc encore plus fort, je trouve, que simplement dire la matière qui nous constitue vient des étoiles, non, c'est plus fort encore, la matière qui nous constitue, mais ainsi que toutes les choses qui nous entourent, pas que nous, hein, aussi les ânes et les cochons. La matière qui nous constitue vient exclusivement des étoiles qui ont explosé, qui sont un sous-ensemble de toutes les étoiles et un tout petit sous-ensemble. Il y a beaucoup moins d'étoiles massives que d'étoiles comme le Soleil, et ces explosions, dans notre galaxie actuellement, on estime qu'elles se produisent au rythme de 1 à 2 par siècle. Ce qui veut dire qu'on vient d'un tout petit sous-ensemble d'étoiles, celles qui ont été capables de forger les noyaux jusqu'au fer, et même éventuellement au-delà, et qui ont explosé de sorte qu'elles ont pu rendre au milieu interstellaire les noyaux qui étaient nouvellement formés en leur sein, et en les rendant au milieu interstellaire, il y a eu la possibilité que ces noyaux forment de nouvelles étoiles, le cortège planétaire autour de ces nouvelles étoiles, éventuellement des Pékins dessus, debout, qui réfléchissent à toute cette affaire. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Je vous l'avais annoncé, tout ça fait réfléchir. Jean-Marc Lévy-Leblond, je vous sens impatient de nous raconter une anecdote. Impatient non, mais c'est juste pour enchérir et détendre un peu l'atmosphère sur l'origine de ces idées sur la stabilité la longue vie des étoiles due aux réactions nucléaires, intuitées d'une certaine façon, comme Roland Lehoucq l'a dit, par Perrin, par Eddington. Mais ceux qui ont véritablement commencé à mettre au point de façon détaillée la théorie de la nucléosynthèse, c'est en particulier un physicien néerlandais qui s'appelle Fritz Houtermans. Et l'histoire veut, vrai ou pas, je ne le sais pas, que Fritz Houtermans ait séduit sa future femme dans une promenade romantique un soir en lui montrant les étoiles en lui disant « Tu sais, je suis pour l'instant le seul homme sur Terre qui sait pourquoi elle brille. » Effectivement, est-ce que ça a marché ? La jeune femme a dû être éblouie pour le coup. Mais en même temps, vous parliez au début du verre d'eau. Quand on boit de l'eau, on boit des atomes. Évidemment, quand on mange aussi, on mange des atomes. Mais dans l'eau, l'eau qui est une molécule simple formée d'hydrogène et d'oxygène, l'hydrogène est un atome qui a été forgé dans les premiers temps de l'univers, et l'oxygène est un atome qui a été formé dans les étoiles. Et s'il est dans ce verre maintenant, c'est que cet atome d'oxygène a été formé dans une étoile qui a explosé. Il y a au moins 4,56 milliards d'années, qu'on peut arrondir à 5 sans aucun problème, évidemment. Alors, on a parlé tout à l'heure, Jean-Marc Lévy-Leblond, avec l'exemple que vous avez raconté à propos de Franklin, des molécules. Les molécules, c'est des assemblages d'atomes. Qu'est-ce qui fait que les molécules, que les atomes sont solidaires au sein de ces molécules? Quelle est la force qui permet cette cohésion? Alors, avant de répondre à ça, je voudrais enchaîner sur le fameux verre d'eau. Pour revenir sur la petitesse extrême des atomes et leur nombre absolument gigantesque dans un simple verre d'eau, il y a quelque chose comme 1 million, 2 milliards, 2 milliards de molécules d'eau. Et donc ce nombre absolument gigantesque a pour effet que les trajectoires des atomes au fil des siècles et des millénaires veut dire que dans ce verre d'eau, il y en a un nombre non négligeable qui sont passés à travers l'estomac d'un dinosaure il y a 100 millions d'années, d'autres qui ont été bu par Jules César, etc. Donc la permanence des atomes à notre échelle et leur nombre gigantesque inclut un brassage formidable. Je trouve que sur un plan un peu esthétique ou spéculatif, non seulement nous sommes des enfants des étoiles mortes, mais en même temps nous sommes habité par les mêmes atomes qui ont traversé toute l'histoire de la Terre et de ces êtres vivants. Alors, pour revenir à la question d'Étienne Klein, c'est une question clé. Pourquoi les atomes tiennent ensemble et arrivent à fabriquer des molécules ? Deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène arrivent à s'accrocher, H2O, vous connaissez. C'est une question très difficile et à laquelle la physique classique, celle du 19e siècle, n'arrivait pas à répondre de façon sérieuse. Pourquoi ? Bien parce que les atomes, comme Roland Locke l'a dit, sont électriquement neutres. Il y a autant de charges positives sur le noyau que de charges négatives dans le cortège électronique. Ce qui fait que, du point de vue des forces électroniques, si vous mettez deux atomes loin l'un de l'autre, rien ne se passe. Les électrons de celui-là sont autant repoussés par les électrons de celui-ci qu'attiré par son noyau, et donc il se passe absolument rien. Et la mécanique classique est en grande peine pour expliquer la formation donc des molécules, et c'est l'une des raisons, pas la seule, c'est l'une des raisons qui va amener à la mise au point, à partir du début du XXe siècle, d'une nouvelle conception de la nature même des objets qui constituent le monde et de leurs relations entre eux, ce qu'on appelle la mécanique quantique. Et la mécanique quantique, elle va permettre, avec des raisons qui sont trop subtiles pour que je rentre dans les détails ici, mais comme elle change la nature même des objets, qui ne sont plus concevables comme des petites vies, parce que il faut bien dire une chose. Si vous regardez les couvertures de livres comme cela, vous voyez des atomes. Mais non, vous voyez pas des atomes. Les atomes, c'est pas du tout fait comme ça. Ce ne sont pas des petites boules qui tournent sur des trajectoires. Ce ne sont pas des systèmes solaires en réduction. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on dessine un atome, on produit un dessin qui est faux. Oui, ça veut dire qu'on produit un dessin qui est faux. Alors c'est pour ça que moi, dans ce livre-là, j'ai joué au jeu des 7 erreurs. Je demande au lecteur de trouver les 7 erreurs qu'il y a sur ce dessin-là. Ce dessin est faux. Il n'est pas inutile pour autant parce qu'il décrit correctement le noyau et les électrons à part. Mais il faut prendre garde que les électrons ne sont pas des petites billes ou des petites planètes tournant autour. Mais ça veut dire qu'on pourrait tout à fait dire que l'atome des Grecs, c'est pas l'atome dont on a parlé jusqu'à maintenant puisqu'il est composite, il n'est pas insécable, donc il échappe à son étymologie. Mais que finalement les particules dites élémentaires qui constituent l'atome, les électrons qui tournent autour du noyau, bien dans le noyau, il y a des protons, des neutrons qui sont eux-mêmes constitués de quarks. On pourrait dire finalement les quarks, c'est les atomes. On peut dire ça, sauf que la nature physique de ces néo-atomes, disons, n'est pas celle qu'auraient imaginé les Grecs, c'est-à-dire des petites sphères dures, impénétrables, mais ce sont des objets quantiques, donc d'une autre nature, qui présente à la fois des propriétés corpusculaires et des propriétés ondulatoires. Et donc, il a fallu s'habituer à l'existence de ces objets d'un type totalement nouveau, un peu comme les naturalistes au XIXe siècle ont découvert des animaux extrêmement bizarres qui rentraient pas dans les classifications usuelles, l'ornithorynque, par exemple, ou d'autres. Les objets éventuellement élémentaires d'aujourd'hui, peut-être, les quarks, jusqu'à présent informés, ne sont pas des petites briques dures et impénétrables. Et c'est précisément parce qu'ils ont des propriétés d'un autre type que les forces électriques entre les électrons et les noyaux peuvent arriver à jouer d'une façon extrêmement subtile et à lier les atomes ensemble pour fabriquer des molécules. Les molécules, la chimie, en général, est incompréhensible par la physique classique, celle du 19e siècle. Il a fallu attendre le 20e et la mécanique quantique pour la comprendre. C'est un succès absolument énorme parce que ça veut dire que notre connaissance du monde à cette échelle-là, à l'échelle du nanomètre, nous permet de comprendre le monde à notre échelle, la constitution des matières telles que nous les connaissons. Je termine par un dernier exemple, si tu me permets. Ce que disait très justement Roland Lehoucq tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que l'atome est, si j'ose dire, plein de vide, parce que le nuage électronique est incroyablement ténu et toute la massivité est réfugiée dans le noyau. Alors on pourrait se dire, mais alors attendez, à ce moment-là, si la matière est aussi vide que cela, comment se fait-il que mon doigt ne peut pas passer au travers de la table ? Il y a assez de place entre les noyaux des atomes de mon doigt et les atomes des noyaux de la table pour que, comme je jetterais deux poignées de sable l'une contre l'autre, elles puissent passer au travers. Eh bien, ce paradoxe, cesse de l'être uniquement à cause d'une propriété subtile de la physique quantique qui explique l'impénétrabilité de la matière. Donc, j'insiste sur ce point, il ne faut pas croire que la physique quantique, les développements ultimes aux échelles microscopiques, n'intéressent que la matière microscopique. Si la physique quantique n'était pas correcte, le monde macroscopique, notre monde, nous-mêmes, ne serions pas ce que nous sommes. On peut faire un premier bilan. Nous avons compris à peu près d'où, comment s'est constituée la matière que nous connaissons. Mais Roland Luc, vous venez de publier avec Vincent Montand, qui est philosophe, un livre, j'en ai parlé tout à l'heure, qui s'intitule « Les idées noires de la physique ». Et en le lisant, on découvre que la matière que nous connaissons, celle qui est faite d'atomes, ne représente qu'une toute petite partie de la matière de l'univers. Oui. Alors ça veut dire quoi ? Vous parlez de matière noire. Est-ce que on a des idées sur la façon dont cette matière noire... D'abord, est-ce qu'on est sûr qu'elle existe ? Et de quoi, si elle existe, est-elle constituée ? D'abord, il y a effectivement des indices convergents liés à la dynamique d'une galaxie, à la façon dont le gaz et les étoiles, la lumière, et qui émettent de la lumière, donc à la façon dont la matière lumineuse d'une galaxie bouge, et à la façon dont les galaxies dans un amas de galaxies bougent. Il y a donc des arguments liés à cette dynamique qui permettent de se convaincre qu'il y a peut-être de la matière noire, qu'il y a une composante de matière, c'est-à-dire quelque chose qui pèse, qui a une masse, qui a un effet gravitationnel et qui ne brille pas ou qui brille peu, si peu qu'on ne la voit pas. Il y a encore un autre argument de nature différente sur lequel je passe pour les 3 minutes qui restent. Donc, il semble qu'il y ait une composante de matière qui pèse, qui a un effet gravitationnel et qui ne brille pas. La nature de cette composante, qu'est-ce que cette matière fait là ? Qu'est-ce que c'est que cette matière ? Alors, on pourrait dire, c'est des trous noirs, par exemple. C'est plein de trous noirs. Je rentre pas dans le détail de l'argument. On peut réfuter cet argument parce que si c'était plein de trous noirs, alors il devrait y avoir d'autres conséquences à ces pleins de trous noirs que l'on ne constate pas. Donc, ce n'est pas plein de trous noirs. Est-ce que ça pourrait être ci et ça et ci et ça ? Tous les ci et tous les ça qui ont été envisagés jusqu'à présent, aucun n'a donné une piste convaincante. Et toutes les pistes de détection directes n'ont pour l'instant pas abouti, ce qui ne veut pas dire que cette matière noire n'existe pas. Mais toute cette analyse a été faite dans un cadre théorique qui est la gravité telle qu'on la comprend, qu'elle soit newtonienne ou relativiste avec la relativité générale d'Einstein. Et il se peut, ce n'est pas complètement exclu, qu'il faille changer les lois pour comprendre ce que nous voyons. Il ne faut, au lieu d'ajouter un acteur supplémentaire, on ajoute une loi supplémentaire. Cette situation s'est déjà produite par le passé dans la physique, où pour comprendre les anomalies du mouvement de la planète Uranus, on a invoqué l'existence d'une planète qui a été découverte un peu après, qui s'appelle Neptune désormais. La même chose a été faite avec les anomalies du mouvement de la planète Mercure, et ces anomalies, on s'est tout de suite dit, les astronomes, en l'occurrence pas astrophysiciens, se sont dit, il doit y avoir une planète, on va l'appeler Vulcain. On n'a jamais trouvé Vulcain. En revanche, dès qu'Einstein a publié sa théorie de la relativité générale, une théorie de la gravitation améliorée, si j'ose dire, plus générale, plus précise que celle de Newton, plus large d'application, eh bien, on a tout de suite compris le mouvement de Mercure sans l'additif d'aucune autre planète de quelque nature que ce soit. Donc, ne serait-ce que dans la partie gravitationnelle, il y a eu les deux situations. Il y a eu de la matière noire qui maintenant s'appelle Neptune. Il y a eu de la matière noire qui n'existe pas et qui s'appelle maintenant, il a fallu changer les lois de la gravité et bâtir la relativité générale. Donc, dans la situation actuelle, les astrophysiciens, le consensus des astrophysiciens se fait autour de l'existence d'une composante de matière, dite matière noire, dont on ne connaît pas la nature et qui pèse, qui a un effet gravitationnel et qui n'a pas de contrepartie lumineuse. Et donc, là, pour l'instant, on ne sait toujours pas quelle est sa nature. Il faudra donc que vous reveniez. Merci Roland Lehoucq et Jean-Marc Lévy-Leblon. Vous voyez que 13,7 milliards d'années en une heure, c'est tout à fait faisable en fait. Hein. Et j'espère que grâce à vous, nous regarderons nos verres d'eau d'une autre façon dans le futur. Nous avons aussi, grâce à vous, appris à y voir un peu plus clair sur la matière noire. Merci à vous. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Michel Gassic et Hervé Dubreuil, et à la réalisation François Connac.